I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Mais un rond de disqueu d'orme trao, un rui disqueu di babler mahe. Mais un rond de disqueu d'orme trao, un rui disqueu di babler mahe. Show me where the envelope is. Disque on dit babler ma argo loliseur. Disque on dit babler ma argo loliseur. Show me where the key is. Disque on dit babler ma en aoul. Disque on dit babler ma en aoul. Show me where the razor is. Disque on dit babler ma au rasoir. Disque on dit babler ma au rasoir. Show me where the glass is. Disque on dit babler ma au verran. Disque on dit babler ma au verran. Show me where the pencil is. Disque on dit babler ma grain. Disque on dit babler ma grain. Show me where the phone is. Disque on dit babler ma palgomza. Disque on dit babler ma palgomza. Show me where the watch is. Disque on dit babler ma norio. Disque on dit babler ma norio. Show me where the scissors are. Disque on dit babler ma gigel. Disque on dit babler ma gigel. Show me where the comb is. Disque on dit babler ma bronze. Disque on dit babler ma bronze. Show me where the glasses are. Disque on dit babler ma orlinedou. Disque on dit babler ma orlinedou.